Balafré, Vida vient greffer sa putain de voix rouillée. Lance le show en gros, réchauffe l'atmosphère, faut que ça saute. Faut que ça saute, faites péter les watts, faut que ça saute. Faut que ça saute, faites péter les watts, faut que ça saute. Je lui ai crevé l'œil, pauvre vieux, il pleurait à côté. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête. En foie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête. En foie express d'une bombe. Colore une secte, non. Un putain de clan de joulet de vaudou, de ouf et c'est tout. Tu sais d'où vient ma source, c'est mon crew. Les jaloux veulent nous mettre à genoux, mais ils sont fous. À force de jouer avec le feu, on finit par brûler, c'est tout. Les gens pareils, il paraît que la terre tourne. Mais moi je m'en fous, je vois des frères qui se noient chez nous. En face de nous, c'est pas un scoop. On veut que ma tête scoop, marquer le coup. C'est plus un texte, c'est toutes tes putes crient au secours. La rage au cœur, j'accours, pose mes couilles sur tes locks, sous ton youl. T'es full blues, pure vaudette souche. Des quartiers louches, me s'y mettre vide, ils mettent du leur. Ton poste ailleurs s'est posé sur ma team, c'est leur. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'ils veulent notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'ils veulent notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'ils veulent notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe un texte sur le contexte, s'ils veulent notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est un putain de règlement de compte. Tous les rimes coulent à flot. Les mots s'exposent sans défaut. Va falloir faire saigner le stylo. Deuil le meilleur de soi-même. Démontrer ce qu'il faut. En avoir dans le ventre. Exposer ses propos. On a encore le mauvais rôle dans cette vie. Pas toujours facile. Ici, tu t'es une histoire de monnaie. Tu sais que sans t'avances pas, tu recules. Et en plus, tu manges tes dents. Faut cibler ce qu'il y a à cibler. Si possible, viser le centre. Explorer le scandale. On va te montrer ce qui nous pousse à être vandale. Nous on crève la dalle. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête. Envoie express d'une bombe. Envoie une bombe qu'on fasse nos comptes. Oui, j'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres chats à fouetter. Faut les faire taire, fermer leur grande gueule. Les prendre en brochette, les mettre en stock. Les entendre brailler comme des coqs, mais j'en ai rien à foutre. Ils restent enfermés, ils m'empêchent de bosser. Affamés qui le comprennent qu'on l'a été longtemps. Qu'on est resté longtemps au fond pour arriver jusque là. Ici, si t'aimes pas, casse-toi. Ne viens même pas, oui, c'est encore mieux. Et je ne fais pas de musique pour les durs, pas de musique pour les cons, pas de musique pour enfants, pas de musique pour les femmes, musique pour le peuple, rien que ça. Le reste, rien à foutre, c'est pas mon problème. Je répète, si tu respectes pas, là y'a embrouille. S'il faut, je reviendrai pour que ça saigne. J'ai jamais baissé mon slip, même pas pour du fric. Pour moi c'est encore la guerre, oui dans ce monde de merde. C'est plus un texte, non, c'est plus un texte. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête. Envoie express d'une bombe. C'est plus un texte, mais un règlement de compte. On pointe l'index sur le contexte, s'il veut notre tête.